Et la dernière, que c'était trop de jouer, servir et travailler à la fois 3 soirées de suite. Mais à peine le dernier spectacle terminé, nous pensions déjà à des nouveaux tableaux. Je ne souhaitais pas vraiment rencontrer la mère d'Isabelle ce jour-là. Lesbienne, limonadière et saltimbanque. L'ensemble me semblait un peu lourd à porter. Indigeste pour tout dire. Et moi qui aurais voulu faire bon effet, paraître femme du monde, charmante, distinguée, réservée. Bref, j'aurais, telle une fiancée, aimait donner une image rassurante à une mère résignée, mais certainement inquiète. Voyez, madame, votre fille n'est pas perdue. Elle aura avec moi une vie aussi heureuse qu'une hétérosexuelle avec un quelconque bonhomme. Je suis un bon parti, madame, bien sous tous les rapports et se taira. Mais, au lieu de cela, elle allait me voir en mini-jupe mauve et perruques orange en train de danser Bing Spandé de Sway Charity et déguisée en ivrogne dansier rose. Bon, il y aurait un poème de René Vivien et des chansons avec mon allure à la Gréco, mais enfin, de toute façon, je n'avais plus le choix. Que la fête commence. Ce fut avec un certain retard qu'Hélène franchit la porte du 4. Très belle femme, elle m'impressionna, plus grande que sa fille. Elle était à la fois délicate et distinguée. Je m'approchai d'elle, mal à l'aise, empruntée. Hélène fut un modèle de maîtrise et d'émotion contenue. « Alors, madame, c'est vous ma belle-fille ? » me dit-elle avec un sourire éblouissant. C'était le sourire d'Isabelle, le regard d'Isabelle. Je ris bêtement. La glace était rompue. Elle m'a tout de suite acceptée. Au réveillon suivant, je dînai avec toute la famille. L'ex-mari, mis également au courant, les deux frères à moitié hippies, le Jules de maman. J'en aurais pleuré d'attendrissement. C'était stupide. Moi qui déteste le 1er mai et son muguet conventionnel, la Saint-Valentin, la fête des mères et les premières communions, et la Saint-Frusquin, j'étais là, bouleversé de partager la dinde au marron de la mère d'Isabelle, avec le père d'Isabelle et les frères d'Isabelle. Devant la bûche de Noël et les bélons, et les sourires et les regards tendres et complices d'Isabelle, j'ai même présenté Hélène à ma mère. C'était une première. Toutes les quatre un peu intimidées, déconcertées plutôt par cette situation inhabituelle bousculant tous les préjugés, entre un rouleau de printemps et une tasse de thé. Ma petite mère, toujours indulgente, souriante, qui dit à Hélène. Je vous appelle Hélène, n'est-ce pas? Vous pourriez être ma fille. Ah et maman, ne retourne pas le couteau dans la plaie. C'est vrai qu'Hélène est plus jeune que moi. L'âge. Qu'est-ce que ça veut dire l'âge, Fifi? Si on est jeune de caractère et si on est heureux. Son visage lisse d'asiatique, ses dents d'ivoire solides, blanches, bien à elle, ses mains qui tremblent un peu, son cou fané qui, seul, trahissent sa vieillesse et me font la chérir désespérément. Fantasque, fantaisiste, capricieuse, inquiète de leur beauté et si semblable, la mère et la fille s'adoraient et se déchiraient. Hélène était quelque peu jalouse de la place que je prenais auprès de sa fille, place qu'elle n'avait cependant guère occupée. Enfin, très vite, nos rapports commencèrent à ressembler aux rapports nouveaux qui existent entre belle-mère et belle-fille. Nous voici donc aujourd'hui toutes trois réunies à Cannes. Mon esprit est ailleurs, il est auprès d'Alice que je ne peux désormais plus guère caresser ni convier à nos fiestas, dîners, baignades. Une de mes amies, Geneviève, la jolie Geneviève, décida de séduire Hélène. Celle-ci, loin de la repousser, un peu par curiosité, un peu par fascination, se laissa faire. C'est ainsi qu'une nuit elles se retrouvèrent nues dans la chambre qu'Hélène occupait dans notre appartement. Les soupirs étouffés qui parvenaient jusqu'à nous et surtout le fait d'imaginer Hélène dans les bras d'une femme m'excita follement. Je me tournai vers Isabelle et l'enlacai. « Ça me fait tout drôle, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Nous fîmes l'amour avec violence. Mais c'était Alice que j'embrassais. 8. Dans l'espoir de voir Alice, de l'entendre peut-être, je restais assise des heures durant devant ces boissons tiédies que le snack vendait aux vacanciers assoiffés pour des sommes délirantes. Telle une enfant amoureuse, je guettais son regard pendant qu'elle circulait entre les tables, servant glace et café. Je cherchais ses yeux pâles qu'elle ne pouvait poser que trop rarement sur les miens emplis de son image. Légère, elle me frôlait parfois au passage. De temps en temps il m'arrivait de distinguer, dans ce bruit envahissant et monotone propre au lieu public, son rire devenu gras. La cherchant des yeux, je la voyais alors s'essuyer la bouche d'un revers de main ou se nettoyer les dents avec une vulgarité qui me heurtait. Je m'en voulais de la juger ainsi. Je me disais qu'elle n'y pouvait rien, que 6 ans de bistrot, que son éducation, et ce tera. À Paris, me rassurais-je, je saurais la transformer, doucement, subtilement pour ne pas l'effaroucher. Je saurais développer en elle sa véritable nature qui ne pouvait être que parfaite, mais que la vie et le monde avaient déformée. Elle deviendrait ainsi mon assistante. Ma passion ne m'empêchait nullement d'oublier le but que je m'étais fixé, la séduire et l'emporter à Paris sur mon blanc destrier, où le cat et moi-même avions besoin de sa présence. Parfois ces longs après-midi de contemplation s'enrichissaient de quelques caresses. Profitant d'un moment creux, j'allais dans les toilettes où elle venait me rejoindre. Elle entrait en coup de vent, me serrait dans ses bras, très fort, m'embrassait violemment, souriait et ressortait vivement, sans un mot. Je me retrouvais seule, heureuse de cette brève étreinte. J'en restais tout ébouriffé, le cœur battant la chamade. Appuyé au lavabo, je me regardais dans le miroir, bronzée, oui, mais mal coiffée, transpirante, le front moite, le nez brillant. Le doute m'assaillait, comment pouvais-je l'attirer alors qu'Isabelle, était-ce vraiment un jeu qu'Alice jouait avec elle, ses clins d'œil malicieux, ses sourires si pleins de charme qu'elle lui dispensait. Plus qu'à moi. Point d'interrogation, mais je me reprenais vite. Comment lui prêter un tel diabolisme? Elle dont les yeux clairs me poignardaient, elle et son sourire de carnassier que j'espérais combler. Elle n'avait jamais aimé que des femmes-femmes. Isabelle était une fille fleur. Pourquoi? Comment me comparer à elle? Sa splendeur juvénile, mais mon charme mûrissant, le fruit vert de l'été, et la tiédeur voluptueuse de l'automne? Non. Il n'y a pas de concurrence, pas de compétition, pas de rivalité, pas de lutte entre Isabelle, mon amour de petite fille et moi. Je ressortais des toilettes, rassérénée. Maintenant, j'avais envie d'Alice. C'était venu peu à peu, comme la faim qui vous saisit à force d'humer le parfum d'un mets qui mijote longtemps à feu doux, effluve légère puis plus insistante, qui allèche, agace, affame enfin. 2 mois que nous jouions au flirt, aux baisers volés, aux étreintes furtives. Ce jeu tout d'abord cérébral me tombait maintenant sur les reins, me prenait au ventre. Je frissonnais d'envie pour ce petit corps garçonnier, pour ce visage dont je voulais connaître l'autre face, renversée, les cris, les plaintes, l'intimité dans le plaisir. Cependant, les rares fois où nous faisions encore l'amour Isabelle et moi, c'était toujours l'harmonieux déferlement érotique, sensuel, brutal ou raffiné, tendre ou violent. Isabelle c'était autre chose. C'était une partie de moi-même. J'avais soudain envie comme d'une maîtresse. Oui, c'est cela. Ce n'était rien d'autre. Une envie de séduire, de m'évader du merveilleux quotidien pour du pittoresque. Le pays plat d'Alice, c'était mon exotisme. J'avais envie d'elle, de l'entendre dire qu'elle m'aimait. Je désirais une autre voix, un autre corps, d'autres caresses, mais je ne pensais pas me séparer de celle qui occupait ma vie tout entière depuis 4 étés et 3 hivers. Isabelle ne se doutait de rien. Je n'aurais voulu pour rien au monde la blesser, l'humilier, la ridiculiser ou lui faire de la peine. Ma passion pour Alice resterait mon secret. Je n'en parlerais à personne. Parfois, poussant l'audace jusqu'à l'imprudence, je me levais vers 8 heures. Les jours où Alice était du matin pour la mise en place du snack, je me levais doucement, pleine de fatigue et de sommeil, les yeux brûlants d'avoir dormi seulement 2 ou 3 heures. Je courais la rejoindre au snack où elle était seule jusqu'à 11 heures. Je l'aidais à placer les tables, les chaises, les couverts, titubante de fatigue, mais heureuse d'être auprès d'elle, attendant, mendiant, qu'étant une brève étreinte, ridicule, risible, moi la reine de la nuit, en train de disposer des verres à pied et des pots de moutarde sur des nappes en papier. Je souriais de moi-même, je m'apitoyais avec quelque complaisance sur cet amour de midi qui me faisait lever à l'aube et me menait par le bout du nez. Alice me permettait, involontairement, de redécouvrir le matin, l'air léger, encore frais et propre, que les gens de la nuit finissent par oublier. J'aimais me laisser posséder, envahir par cette impression étrange pour moi, de pénétrer dans une journée vierge, dans un jour neuf. Habituellement je ne quitte guère mon lit avant 14 heures, mais alors la journée est déjà usée, elle a été utilisée par trop de monde, elle me fait penser à une vieille prostituée, obligée de servir encore avant de céder sa place à la nuit, mon royaume. Je respirais le matin avec volupté, l'air me revigorait et remplaçait le sommeil auquel par amour je m'étais dérobé. Parfois, Alice dessinait des marguerites sur l'étiquette de commande, au crayon. Elle écrivait Love au-dessous, et me l'étendait. Ce furent les seules lettres d'amour qu'elle m'écrivit jamais. Encore me les arrachait-elle des mains dès qu'elle me les avait tendues, papillons éphémères que je n'arrivais pas à conserver entre mes doigts. Écrivez-moi, lui disais-je, juste une lettre. Une seule, moi qui lui glissais des billets enflammés de collégienne. Elle secouait sa crinière et éclatait de rire, l'œil malicieux, non. Pas courir de risque. Une fois enfin, plus rapide, je réussis à gripper une de ses fleurs dérisoires. Je courus vers ma voiture. Elle me poursuivit et nous luttâmes un instant, corps serré, sur le trottoir, mains étroitement jointes. Rendez-moi ça. Laissez-le-moi. Je vous en prie. Personne ne le trouvera. Elle me serrait violemment le poignet et ses yeux presque hostiles m'annihilaient, me liquéfiaient. Mais je tins bon. Elle finit par sourire puis me lâcha. J'enfouis mon trésor dans une boîte d'allumettes vide que je dissimulais dans le fond de ma boîte à gants. Son attitude trop dure, qui ne convenait pas à ces jeux un peu bêtes que les amoureux inventent, m'avait heurté, désorienté, mais très vite. Je n'y pensais plus. Le seul présent qu'elle m'offrit fut la fleur dérisoire d'un géranium arraché d'un massif, comme je m'apprêtais à la quitter, après l'une de nos escapades en voiture. Je suis parti bouleversé par la joie et l'émotion, enfin un geste, un signe, tout était donc possible. J'ai immédiatement enfoui la pauvre fleur dans la boîte d'allumettes où elle alla rejoindre la marguerite de papier que je lui avais volée. 9. Michel, sa femme et leur fils, Claude, sa femme et leur fille, débarquent un beau jour pour un week-end à la maison. Avec Hélène qui était toujours là, cela faisait beaucoup de monde à loger. Mais si les propriétaires avaient eu mauvais goût pour les papiers peints, ils avaient eu le bon goût d'installer une nuée de lits pliants, gigognes, encastrables, qui transformaient aisément notre salle de séjour en dortoir pour les deux familles. Belle-maman venant dormir sur un matelas dans notre chambre. Moi qui déteste les réunions de masse, la gêne que provoque la promiscuité, j'étais cependant enchanté de cette amicale irruption. Les R et les F sont parmi mes amis les plus proches et les plus chers. Leurs femmes aiment un peu les femmes et leurs maris sont complaisants. Où est le mal puisqu'elles s'adonnent à leurs penchants sans scandaliser, sans s'afficher, sans provoquer. Elles sont bisexuelles et je ne les en aime pas moins d'amitié. Bien entendu, je ne pourrai jamais me glisser dans le lit et dans le cœur d'une femme au sexe innombrable. Mais pourquoi n'aurais-je pas pour elles de l'amitié et de l'estime? Elles ont un mari qu'elles aiment, des enfants qu'elles adorent, elles aiment aussi de brèves incursions dans nos édens. L'arbre à celles que cela ne dérange pas d'en faire leurs amantes et peut-être même, d'aimer ce genre de triangle isocèle. Moi je n'en fais que des amis, de très bons amis. Leurs maris sont des types merveilleux et je passe avec ces couples-là des moments de détente parfaits, sans équivoque, sans badinage. Isabelle n'entre pas vraiment dans notre amitié qui date d'avant son règne et qui durera encore lorsque, peut-être un jour, la reine Isabelle aura abandonné mon royaume. Nous avons donc casé tout le monde mais j'ai demandé à Michel et Claude de ne pas copuler sous mon toit, sur le ton de la plaisanterie, mais sérieusement. En Asie, Il est du plus mauvais goût de faire acte de chair sous le toit qui vous accueille et je retrouve parfois cette pudeur orientale de mes ancêtres quand un homme dort chez moi. Deux amis que j'héberge, cela ne me dérange pas qu'elles s'aiment, mais un homme et une femme, je supporte mal. Allez savoir pourquoi. La recommandation était d'autant plus gratuite que ni les R, ni les F, ne sont des partousards. Bien entendu, j'avais beaucoup parlé à mes amis de mon désir d'emmener Alice avec moi à Paris travailler au CAT. Plusieurs fois, tandis que sa femme et Isabelle faisaient des courses de leur côté, j'avais emmené Michel au snack, pour qu'il la connaisse mieux et qu'il entérine ma décision. Pour me conforter dans la fausse bonne conscience dans laquelle je vivais, Alice nécessaire à Paris. Qu'en penses-tu ? Lui demandai-je, tandis qu'assis à la terrasse du snack nous buvions un citron pressé servi par Alice qui s'affairait seul au comptoir. Le plus grand défaut de Michel, c'est sa franchise. Je suis un peu déçu qu'il n'éclate pas en propos dithyrambiques sur Alice, la huitième merveille du monde. J'insiste. Qu'est-ce que tu lui reproches ? Rien vraiment. D'accord, telle qu'elle est là, ça ne va pas pour le cat, mais je me fais fort de la transformer en peu de temps. Elle a l'étoffe. Michel sourit et me regarde de son air gouailleur. Tu veux encore jouer les Pygmalions ? En général c'est une réussite, non ? Je te l'accorde. Mais quand même, c'est une manie chez toi, transformer les jeunes filles. Tu ne comprends pas vraiment Alice. Elle a des dehors un peu frustes, mais elle est intelligente. Et son allure petit mec, tu crois que tu vas pouvoir y remédier ? Bien sûr, c'est même le plus facile. Avec un peu de diplomatie et beaucoup de patience, je finirai bien par lui faire jeter aux orties ses jeans et ses godillots. En résumé, tu vas nous livrer un produit fini, fabriqué par toi, Madine et Lula. Je secoue la tête. Agacé. Mais non, Michel, tu n'y es pas du tout. Ni toi, ni personne d'ailleurs. Je ne joue pas les Pygmalions par orgueil, par prétention, pour créer quelqu'un à mon image. J'ai seulement un désir ardent, effréné, passionné, de donner le meilleur de ce que j'ai en moi à une fille que j'estime mériter mieux que ce que la vie et ses hasards lui ont offert jusqu'ici. Est-ce de la prétention ce besoin de donner? Et surtout, j'ai vraiment besoin de quelqu'un à Paris et Alice me semble correspondre parfaitement à la personne que je cherche. Mouais. Il n'ajoute rien. J'ai peur qu'il ne me pose une question indiscrète. Malgré mon amitié pour lui, je serais obligé de lui mentir, et je détesterais le faire. Non, je ne peux pas lui avouer que si je veux tant Alice à Paris c'est parce que je suis follement éprise. Et puis, je connais ses goûts, son jugement sans pitié. Sans concession, il désapprouverait mon choix, il me démolirait l'image d'Alice en deux phrases, je sais lesquelles et je ne veux pas les entendre. J'aime. 10. Je suis peu secrète. Par nature et par éducation j'aime parler, juger, raconter, ma vie, mes amours. Je ne peux m'empêcher de mêler ma vie privée à ma vie publique, de faire de mes proches les témoins de mes sentiments, de mes enthousiasmes ou de mes douleurs. Pourtant je n'avais touché mot à personne de l'histoire que j'ébauchais avec Alice, pas même à Vanina, ma gynécologue, mon amie de toujours, ma confidente. Mon secret était bien gardé. Isabelle ne le saurait jamais. Dis-moi que tu m'aimes. Tu ne me le dis plus, exigeait-elle parfois comme pour chercher à se rassurer et à effacer la distance qui lentement, insidieusement, se creusait entre nous. Ne sois pas bête. Bien sûr que je t'aime, tu le sais bien. Apparemment satisfaite d'une réponse aussi générale que commune, Isabelle passait derrière le bar du Jockey, superbe, admirablement séduisante. Elle quittait les disques de temps en temps pour la piste où elle dansait, se fondait dans la musique devant les clientes admiratives. Parfois Alice l'accompagnait et dansait face à elle, légère. Elle bougeait pourtant pesamment et semblait maladroite, gauche, empruntée devant le corps exquis de sa partenaire qui ondulait avec élégance et beauté. Mais j'écartais même ses critiques fugaces. Alice était parfaite, et je la voulais, plus rien ne comptait. J'étais devenue aveugle et sourde à tout ce qui n'était pas mon désir d'elle. Le 1er septembre, Isabelle devait quitter Cannes pour aller faire des photos à Grenoble. Je l'accompagnais à l'aéroport comme si cela pouvait hâter son départ. J'étais heureuse de me débarrasser d'elle pour quelques jours, juste quelques jours, le temps de connaître enfin les caresses d'Alice. Je dînais seule, rapidement, puis allais au snack. Alice ne passerait pas au jockey, elle se rendrait directement chez moi. Feignant une immense fatigue, je quitterais relativement tôt la boîte et m'en irais la rejoindre. Alice eut un sourire où je vis la tendresse lorsque je lui glissai discrètement ma clé dans la main. En effet, Dan Hila Cerber était là, chignon haut perché, épiant tout de ses yeux diablement noirs, entouré de sa cour de pédérastes caquetants. Affamé, hagarde, affolé par 2 mois d'effleurement et de marivaudage, par un désir que j'avais trop longtemps retenu, j'étais au comble de l'excitation en franchissant la porte du jockey où il me fallait jouer l'épuisement, faire mine de traîner, de m'endormir. J'ai cru un instant que je n'en tiendrais pas et qu'il valait mieux partir tout de suite. Pourtant je jouais mon rôle si bien que Vanina, inquiète, se proposa de me raccompagner. Je réussis, non sans mal, à la rassurer et à faire comprendre à tout le monde qu'il était nécessaire que je rentre me coucher. J'ouvris la porte du couloir. Derrière la mobilette jaune d'Isabelle, la moto rouge d'Alice, elle était là. Je refermai la porte, et restai un instant contre le battant. Dans les 3 corridors, les 2 motos, là, ensemble, reproche tangible. Ma petite Isabelle, innocente, dormait à Grenoble. Et moi, moi la déjà mûre, l'éternelle inquiète, la perpétuelle Don Juan. Qu'allais-je chercher? Que devais-je encore me prouver? Que j'étais encore capable de séduire une jolie fille? Des scrupules? Des remords déjà? Non. Rien. Plus rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Dans un état second j'avançai d'un pas. Je tendis la main vers les motos. Je les caressais au passage, l'une et l'autre, lentement. Et la jaune, et la rouge. Je laissai ma main courir sur elles, puis sur la rampe qui leur succédait. Je frappai doucement. Elle m'ouvrit aussitôt. Elle était restée habillée de pied en cap, boots, blouson de cuir râpé, jean et t-shirt. Elle était là, à la place de mon Isabelle que j'avais tant aimée et dont la beauté ne me touchait plus. Nous nous étreignîmes violemment, brutalement. Le cuir épais, rude de son blouson meurtrissait ma peau. Sensation étrange. Rien de la douceur des femmes, j'avais la trouble sensation d'être dans les bras d'un jeune adolescent. Nous sommes restés ainsi un long moment, vacillantes, juste serrées l'une contre l'autre. Nous avions tout le temps, l'éternité. Il y avait si longtemps que nous attendions cet instant et maintenant que nous étions là, prêts à cueillir le fruit de la passion de tout un été, nous n'étions plus pressés. L'aube s'était levée. Le jour envahissait déjà la chambre et nous n'étions pas encore totalement nus. Nous prenions notre revanche sur le temps. Nous le prenions à rebours, nous nous moquions de lui. Il n'y avait plus d'yeux indiscrets, il n'y avait plus de route, de chemin, d'autoroute, de sentier, de lisière, où un voyeur pouvait surgir à tout instant. Enfin il y avait 4 murs autour de nous. Nous étions seuls, enclose. Émerveillée, je me repaissais de ces mots, seule, enclose, maîtresse du temps et de nous-mêmes. De baisers en caresse, nous nous retrouvâmes enfin sur le lit. Jusque-là, nous avions tangué de mur en divan, comme 2 femmes ivres. Je découvrais son corps menu, ses seins inexistants de petite fille aux aréoles pâles, presque imperceptibles, son sexe clair, aussi clair que sa crinière. J'étais bouleversée par ce corps aux antipodes de tout ce qui m'attire chez les femmes. Moi l'adoratrice des seins lourds comme des arbres chargés de fruits, des hanches que la main enveloppe, rondes et courbes. Je tremblais d'émotion en progressant sur ce torse mince, ses hanches étroites et sèches. Ma bouche brûlait de la connaître enfin. Sa peau n'était pas douce comme celle d'Isabelle. Elle n'avait pas, comme elle, cette odeur d'algues et de mer qui m'enivrait lorsque mes lèvres l'entrouvraient. Son sexe inodore était à peine formé, comme celui d'une enfant, mais c'est celui-là que je désirais plus qu'aucun autre. La tête froide, lucide, et le cœur enfiévré, je me contemplais heureuse, heureuse d'être là, le visage entre ses cuisses, parce que je l'aimais. Elle allaite comme un jeune animal, ses mains caressent mes cheveux, elle râle, elle jouit soudain et serre avec force ses cuisses contre mon visage, dans un spasme court, légère comme une colombe. Nous ne parlons pas. Nous n'avons pas dû échanger 10 phrases depuis que je suis entrée dans la chambre. Nos corps se cherchent, apprennent à se connaître. Toutes les caresses si longtemps retenues éclatent en 1000 étincelles. Je ne suis plus que frissons, famine, avidité. Ma peau a mal de la toucher tant et tant. Alice, je t'ai prise, je t'ai connue de mes mains et de mes lèvres. Mon visage est plein de toi. Je ne voulais pas qu'elle me fasse l'amour. Mon fibrome empirait. J'allais d'hémorragie en hémorragie qui m'épuisait. Éperdument depuis 8 jours, j'avais espéré que des piqûres, prescrites par Vanina, pourraient stopper cette cataracte avant cette nuit, mais rien n'y avait fait. Alice insistait. Je résistais longtemps, gênée, pour une première fois. Puis elle l'emporta. Sa crinière de lionne fut douce entre mes jambes. Elle n'embrassait pas très bien, elle ne caressait pas divinement, mais je m'y étais attendue et cela ne me décevait pas. D'ailleurs, qu'importait la technique? Rien, venant d'elle, ne pouvait me décevoir. J'étais ouverte, réceptive à tout ce qui venait d'elle. Je feignis l'extase. Cela n'avait aucune importance. J'étais heureuse, apaisée même. Ce jour-là, Alice était du matin, elle devait donc partir à 8 heures à Fix-en-Aiguën d'ouvrir le snack. Souvent, lorsqu'elle commençait à travailler aussitôt, dans il lui permettait de coucher dans une chambre au-dessus du bistrot que le patron mettait volontiers à sa disposition. Elle était censée y avoir passé la nuit. Les camions avaient recommencé leur ronde infernale, mais je n'entendais que nos souffles, nos silences, le bruit de nos lèvres sur nos peaux que la sueur, maintenant, collait l'une à l'autre. Elle quitta mon corps moite avec une certaine brusquerie, comme si elle refusait une dernière tendresse qui l'eût à nouveau plongée dans le désir. Un désir qui, d'être assouvi alors que le soleil écrasait déjà la ville, aurait eu sur sa vie des conséquences qu'elle n'était peut-être pas encore disposée à assumer. Elle s'habilla très vite avec des gestes d'adolescent et disparut après m'avoir longuement regardé en silence. Émue, je ne dis rien, et c'est à peine si je tournai la tête vers la porte. Quand le bruit de ses pas sur les marches se fut noyé dans celui de la rue, j'ouvris la fenêtre et me penchai au dehors pour la voir apparaître serrant entre les cuisses que je venais de caresser avec tant d'avidité sa machine étincelante. Elle la faisait avancer en la poussant de ses pieds qui touchaient à peine l'asphalte. Elle se retourna, leva ses yeux et me vit, presque nue, la contempler. Elle me fit un signe de la main, mit le contact, tourna avec violence la poignée gauche du guidon et m'offrit en guise d'adieu un de ces démarrages bruyants et spectaculaires qui faisaient désormais partie de ma vie. Je me recouchai sur les draps encore humides que nous avions froissés. Je me mis à plat ventre et m'endormis aussitôt dans l'odeur de l'amour, l'esprit plein de sa présence, la mémoire envahie par ses caresses. Elle reviendrait à 3 heures, une fois son service terminé. Au mur, les photos d'Isabelle avaient contemplé, silencieuses, des ébats dont j'espérais qu'elle ne connaîtrait jamais l'existence. Elle n'avait pas brûlé, les punaises qui les fixaient au mur n'avaient pas explosé. Le sacrilège pourtant était consommé. Ce furent 3 jours et 2 nuits d'ivresse. Je ne sais comment nous avons tenu. Nous faisions l'amour éperdument. Notre si longue attente était annulée, engloutie, effacée par l'excès de nos étreintes. Ce n'est que le 2e jour que soudain, après m'avoir aimé, elle releva la tête, se dressa, prit mon visage entre ses mains jointes et murmura lentement, comme pour bien me pénétrer de ses mots, « je t'aime, oh, je t'aime ». Son regard m'émut autant que ses paroles. Je ne répondis rien, les yeux clos. Je sentis un déferlement de bonheur et de triomphe m'emporter. Enfin, enfin ces 3 mots que j'attendais depuis 2 mois et qu'elle ne m'avait jamais dit. Elle reprit, je ne voulais pas te le dire, je n'en ai pas le droit. Je la serrai contre moi. Mais pourquoi pas? Moi aussi, Je t'aime. Qu'allons-nous devenir? Mais rien. Nous allons laisser la vie faire les choses. Nous n'y pouvions rien. Dès le début, tu le sais bien. Elle se jeta à mes côtés, prit ma main et l'étreignit. Ses yeux errèrent sur les murs tapissés des photos d'Isabelle. Elle se redressa violemment, comme une bête foyée au vif. Je mis ma main sur ses yeux, la recouchai doucement et posai mes lèvres sur ses paupières. « Je comprends, » murmurai-je, « mais tais-toi, elle ne le saura pas, elle n'en souffrira pas. Je ne veux pas lui faire de mal, mais moi non plus, c'est une gosse, je l'adore. Tu comprends ? » ?»« Je comprends, mais ne crains rien, elle ne saura jamais, pour rien au monde, je ne lui ferai du mal. » Tu te sais, j'étais sincère. Comme il était touchant, cet assaut chevaleresque à propos d'Isabelle, nous la trompions mais nous lui dressions un autel. C'était risible, mais tous les amants sont risibles. Dieu merci, ils ne le réalisent qu'une fois la tornade passée, une fois sortis de la guimauve, des stupides jamais, toujours et avant toi, rien. Englués qu'ils sont dans un bonheur dont on n'a pas le droit de juger les mots qu'il fait jaillir de leur bouche. Je nageais dans le sirop, yeux clos, cœur battant, le corps bouleversé, pendant 3 jours et 2 nuits. 11. Je ne fis pas l'amour avec Isabelle le soir de son retour. Elle accepta mon refus facilement, trop naturellement. Nous ne le fîmes pas non plus les jours qui suivirent. Elle était distante et moi je n'en avais pas envie. Alice demeurait encore trop présente dans mon esprit et dans ma chair. Dans une semaine, nous quitterions Cannes. Nous avions prévu d'aller passer quelques jours à Portofino avant de regagner Paris. Mais Alice ne se décidait toujours pas à venir travailler au CAT. Pourquoi ? Pourquoi ? Ne cessais-je de lui demander, qu'est-ce qui l'empêchait ainsi d'accepter un projet qui enthousiasmait tout le monde ? Y compris Isabelle, je ne peux pas donner encore une réponse définitive, se contentait-elle de poser à mes questions pressantes. Le retour d'Isabelle avait mis un terme à nos rencontres érotiques, j'avais même du mal à revoir Alice en tête à tête. Demain c'est mon anniversaire et la fermeture du snack. Mon patron nous invite tous à déjeuner sur la plage. Tu viendras? Ce n'est pas très drôle de se voir au milieu de tout ce monde. On ne peut pas plutôt se voir après? Impossible, je ne pourrai pas m'éclipser. Viens quand même, c'est mieux que rien. Viens. Je t'en prie, je promis. Je quittai l'appartement tout doucement. Il était midi et Isabelle dormait encore. Je courus à la plage. L'été touchait à sa fin, il y avait moins de monde sur la croisette, sur le sable. Les matelas et les parasols se clairsemaient, le personnel du snack, patron en tête, prenait l'apéritif. Ils avaient l'air contents et satisfaits. Alice n'était pas encore arrivée, je m'installai à quelque distance du groupe en l'attendant. Bientôt ils se mirent à table. Ils déjeunèrent, se mirent au soleil, certains se baignèrent même, puis ils partirent. Alice ne vint pas. Je restai seul l'après-midi entier, étendu au bord de l'eau, à me morfondre. Inquiète, je cherchais à me rassurer. Elle n'avait pas dû se réveiller, une fois de plus. La fatigue accumulée en cette fin de saison. J'étais furieuse, déçue et cependant attendrie en pensant à son épuisement physique. Il me semblait pourtant que, même éreinté, mon cœur m'aurait réveillé, je me serais arraché au plus profond des sommeils. M'aimait-elle assez? M'aimait-elle vraiment? Le soleil déclinait, je me rhabillai et quittai la plage où il ne restait plus que moi. Des enfants et quelques chiens enfin libres de courir joyeux jusqu'à la mer. Je rentrai. Isabelle était déjà là. Je desserrai à peine les dents. Maussade. Nous ne nous demandions plus comment nous avions passé l'après-midi. Je ne verrai pas Alice avant ce soir. Tard, car elle avait son dîner d'anniversaire avec son ami Danny et son équipe de PD de charme. Je n'aurai même pas l'occasion de lui demander la raison de son absence. Si jamais elle vient au jockey après la fête, nos apartés seront trop brefs, nous serons trop entourés. D'ailleurs, quelle que fût sa raison, son excuse, le mal était fait. Je ne la verrai plus seule jusqu'à mon départ. Il était près de 2 heures du matin lorsqu'Alice franchit la porte du jockey, visiblement ivre, elle titubait un peu. Je cherchais son regard, mais ses yeux blêmes se détournaient s'ils croisaient les miens. J'attendais un geste, un signe, mais son corps ignorait le mien. L'alcool, me disais-je, justifiait sa distance, l'appréhension d'être entendu des autres expliquait peut-être son silence. En dansant, j'ai finalement réussi à lui arracher un rendez-vous pour le lendemain, après qu'elle m'eut dit ne pouvoir m'expliquer son absence de midi au milieu de tant d'oreilles indiscrètes. Fallait-il que nous nous voyions encore dans ma voiture? Ne pouvait-elle demander à son patron la chambre qu'il mettait parfois à sa disposition? Elle répondit précipitamment qu'il fallait absolument le laisser hors de tout cela. Pour célébrer son anniversaire, notre petit groupe lui offrit un joli pull-over et le succès de l'été, Rock Me Baby, qui faisait alors fureur et qui avait rythmé nos amours. C'était notre ère. Oui, je reconnais que j'ai aussi cette manie de midinette dont tout le monde ou presque, sans vergogne ni honte, est atteint. Cette manie de plaquer un fond sonore sur chacun de ses romans photos, de coller un paysage mélodieux derrière chaque amour, qui n'a pas son air 58, qui n'a pas sa romance 67. Demandez votre sirop 73. Moi et Alice, cet été 74, c'était Rock Me Baby. Elle nous embrassa et partit très vite, trébuchante, pour rejoindre Danny. Je l'avais bien peu vue, pour son anniversaire. Quelques minutes à peine, et dans deux jours, je quittais Cannes. Je la quittais. Pour la revoir quand? Je préférais ne pas y penser. Le lendemain nous avions rendez-vous dans un petit bar, près du snack, à 3 heures, après son service, pour une dernière escapade, puisque nous n'avions plus 4 murs pour nous abriter. Pour être sûr d'être libre cette dernière fois, j'alléguai un repas chez des parents éloignés qui habitaient Valory et que je n'avais pas visité de la saison. Je déjeunais d'un sandwich, me promenais, impatiente, le long de la plage, et à 2h30, je me mis à l'attendre. Je l'attendis jusqu'à 6h, elle ne vint pas. J'étais triste, déçue et furieuse. Peut-être hier soir était-elle plus ivre que je ne le pensais, et en se réveillant avait-elle complètement oublié notre rendez-vous? Ou bien s'était-elle encore endormie? Quel amour était-ce donc que le sien qui ne l'empêchait pas de dormir, qui ne la laissait pas, comme moi, fébrile, insomniaque, impatiente, incapable de penser à autre chose. Enragée, je ruminais ma déception. Pour m'occuper, pour ne pas penser, j'avais acheté un recueil de mots croisés, j'ai rempli plus d'une grille au cours de mes longues heures d'attente. J'allais me lever et partir, laissant sur la table mon 3e verre de citronnade tiède, au fond duquel flottait une abeille dont la noyade m'avait distraite un instant, lorsqu'Isabelle déboucha de la rue du snack, sur sa petite mobilette jaune, short minuscule jaune, bouton d'or, le poussin du drugstore du quartier de l'Opéra, il y a combien de temps déjà? Elle sembla surprise de me voir, et heureuse. Oh mon pauvre amour, qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Dans ce bistrot sinistre, tu vois, des mots croisés. Elle venait à moi tout attendrie, gaie, jolie, douce, mon Isabelle, mon amour innocent que je trompe ignoblement, que je trompe pour rien puisqu'il ne se passe plus rien, que c'est fini, que demain Alice est de garde toute la journée et qu'après-demain nous quittons Cannes. Elle s'installe à mes côtés. Nous sommes toutes les deux ensemble, au cœur de septembre. Et notre amour est malade parce qu'une jolie fille sans intérêt m'obsède. On va bientôt fermer le jockey, il est déjà tard et, mis à part Vanina, il ne reste que 2 clientes assises à une table. Je me sens un peu perdue, je ne m'explique pas ces rendez-vous manqués, je ne comprends pas Alice. Comment peut-elle? Point d'interrogation. Pourquoi a-t-elle? Point d'interrogation. Fatigué, plongé en moi-même, je n'entends pas la sonnette. Et découvre, surprise, la figure d'Alice dans l'encadrement de la porte. Je me lève, le cœur battant, elle me salue du bout des lèvres, se dirige rapidement vers l'autre extrémité du bar, serre Isabelle dans ses bras, et lui parle de très vite, à voix basse. Lorsqu'elle revient vers moi, je suis toujours debout, immobile, inquiète et étonnée. Elle me regarde en silence, secoue sa crinière, se prend la tête à deux mains. Je suis une dégueulasse. Je suis une serpillière. Je tends la main vers ses cheveux, Elle recule en secouant la tête. Non, ne me touchez pas. Je suis trop dégueulasse. Je ne comprends pas. Mais qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? J'ai dit à Dan-I que c'était fini. L'allégresse. La joie. Enfin, elle s'est décidée. Et si brusquement. Mais pourquoi tant de désespoir? Mais alors, elle devait s'y attendre un peu. Non, il n'y a pas de quoi se tourmenter. Vous ne comprenez pas. Je lui ai dit que c'était parce que j'en aimais une autre. J'ai une coupe de champagne dans la main. Je suis adossée au bar, le dos tourné à la salle. Alice est accoudée, écroulée plutôt, près de moi. Je m'arrivaux d'une dernière fois, le cœur gonflé de bonheur. Ah, et qui? Aimez-vous? Elle me regarde droit dans les yeux. Ses yeux bleus si clairs, si transparents, si purs. J'aime Isabelle. La musique couvre mon râle. J'ai gémi comme une bête blessée. Comme un cerf lacéré par la meute, je serre mon verre, comme un hoquet brutal et douloureux, un sanglot monte dans ma gorge, j'étouffe, le ventre noué, l'âme déchirée, je me tais ne pouvant articuler un seul mot, incapable de crier, de hurler, après un long silence pendant lequel je n'entends que mon souffle, court, haletant, je finis par demander, hésitante, avec une